بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le jeudi 12 شوال de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 4 juin 2020. Nous nous retrouvons afin de poursuivre ensemble notre étude du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir al-Dimashqi, rahimahullah, qui s'intitule « Al-Fusul fi Sirati al-Rasul ». Après avoir fini de la première partie de ce livre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, parlera dans la deuxième partie des états de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses caractéristiques, sallallahu alayhi wa sallam, et il parlera également de ses particularités. Il parlera également de ses particularités, alayhi salatu wassalam. Donc, en ce qui concerne les états du prophète, alayhi salatu wassalam, son comportement, sa description physique, tout ça, l'imam Ibn Kathir, rahimallah, l'abordera en 20 points. Il va l'aborder en 20 points. Et ensuite, il va parler des particularités de notre messager, alayhi salatu wassalam, et de ces particularités, il va les aborder, il va aborder les particularités dans deux catégories. La première, ce sont les choses spécifiques au prophète, alayhi salatu wassalam, à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à tous les autres prophètes, c'est-à-dire les choses avec lesquelles Allah Azza wa Jal l'a spécifié par rapport aux autres prophètes. Et la deuxième partie de ces particularités, il va parler des points qui sont spécifiques au prophète alayhi salam par rapport à sa communauté. Donc, il peut avoir des points en commun avec d'autres prophètes. Mais c'est des choses qui sont spécifiques au prophète alayhi salam par rapport à sa communauté. Et cette deuxième partie, c'est-à-dire ses particularités par rapport à sa communauté, sont très très importantes à connaître pour nous dans la pratique. La première partie, qui est ses particularités par rapport aux autres prophètes, ça permet de voir le mérite du prophète alayhi salatu wassalam. Mais la deuxième partie, en plus de voir le mérite du prophète alayhi salatu wassalam, ça nous donne les points dans lesquels il nous est pas demandé de le suivre, car ce sont des choses qui sont spécifiques à lui. Et il n'est pas autorisé de le prendre comme exemple dans ces points-là. Et ça, ce sont des exceptions. Car la règle de base, c'est qu'on doit suivre le Nabi alayhi salatu wassalam dans toute chose, jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui nous dit que non, ça c'est spécifique au prophète alayhi salam. Et l'imam Ibn Kathir, cette deuxième partie, il va l'aborder en 9 chapitres. Le premier, c'est ses particularités dans le domaine de la foi, et dans le domaine de la foi. Et le deuxième, ce sont ses particularités dans le domaine de la purification. Ensuite, la salat, la zakat, le siyam, le pèlerinage, al-hajj, dans les nourritures et dans l'héritage. Et le dernier point, ses particularités dans les mariages et tout ce qui s'ensuit. Mariage, divorce, ainsi de suite. Donc ça, c'est le chapitre qui est appelé dans les livres de l'fiqh, Babun Nikah. Et ce dernier chapitre, le 9e, il va l'aborder, rahimahullah, en quatre points. Le premier, il va aborder dedans ce qui est obligatoire au prophète, alayhi salam, à lui seul, et qui n'est pas obligatoire à toute sa communauté. Le deuxième, les choses qui sont interdites au prophète, alayhi salam, seul, en dehors de toute sa communauté. Et le troisième, les choses qui sont autorisées pour lui seul, et ce n'est autorisé pour aucun de sa communauté. Et le quatrième et le dernier, les choses, yani les particularités et les mérites qui sont spécifiques au prophète alayhi salam dans ce domaine du mariage à lui seul en dehors de toute sa communauté. Donc ça, c'est le résumé de tout ce qu'on va voir par la suite. On va le rappeler pour que vous suivez, que vous soyez au courant des points qui vont venir. Donc, dans une première partie de cette deuxième partie du livre, l'imam Ibn Kathir, dans une vingtaine de points, il va nous parler des choses qui sont les états du prophète, son comportement, sa description physique, et ainsi de suite. Les membres de sa famille, des choses, yani, de ce genre. Et dans le deuxième, ou la deuxième partie, il va parler de ce qui est spécifique, qu'on appelle khasa'is, les particularités du prophète, alayhi salatu wassalam. Les particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, et cela, il va les aborder en deux points. Ce qui est spécifique à lui, en dehors de tous les prophètes, et yani les choses par lesquelles Allah l'a spécifié lui seul. Et il y a d'autres points qui sont pour lui ainsi que tous les prophètes, mais c'est spécifique au prophète alayhi salam par rapport à toute sa communauté. Et ça, il va l'aborder, comme j'ai mentionné, selon les différents chapitres du fiqh. Il va passer de chapitre en chapitre en mentionnant tous les points qui représentent des particularités du prophète alayhi salam, des caractéristiques spécifiques au prophète alayhi salam dans chaque chapitre du fiqh. Et ainsi, il va terminer son livre. Donc aujourd'hui, on va commencer par un chapitre dans lequel l'imam Ibn Kathir a parlé de son pèlerinage et des Umar que le prophète alayhi salam a accompli. Le Nabi alayhi salam, après son émigration vers le Médina, il n'a fait le Hajj qu'une seule fois. C'est justement ce pèlerinage qui s'est fait appeler le pèlerinage de l'Wada', car dans ce pèlerinage, il a fait l'adieu aux gens et que c'était la dernière fois qu'il les rencontrait. Et on a vu que peu de temps après, Allah a pris son âme, alayhi salatu wassalam. Et c'est le seul pèlerinage qu'il a fait dans le cadre du pèlerinage obligatoire. Et on a vu la divergence par rapport à l'année de la prescription du pèlerinage. Il y a un avis qui dit que c'était dans l'année 6 de l'Hégire. Il y a un avis qui dit que c'était dans l'année 9 de l'Hégire. Et ça, comme on a vu, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est l'avis le plus juste. C'est que le pèlerinage a été prescrit vers la fin de l'année 9. Vers la fin de l'année 9. C'est-à-dire, quand c'était le temps de faire le pèlerinage, c'était dans l'année 10. Et dès qu'il était obligatoire, Nabi alayhi salam l'a accompli. Ceux qui disent que ça a été prescrit avant, ils donnent des excuses pour lesquelles Nabi alayhi salam n'a pas fait le pèlerinage avant. Mais comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ça c'est la vie juste, sans aucun doute. Et tous les arguments l'indiquent, c'est que le Hajj a été prescrit vers la fin de l'année 9 et que dès que c'était obligatoire, Nabi alayhi salam l'a fait. Il a sorti parmi les points que comment Nabi alayhi salam, avant que le Hajj ne devienne obligatoire, il le faisait. Toutes les années où il sortait pour faire da'wah pendant le pèlerinage, c'était des années où il a accompli le pèlerinage avant qu'il soit obligatoire, en suivant les rituels de Ibrahim alayhi salam. Et dans son pèlerinage, il se distinguait de Kuffar Quraysh, qui avait changé des choses dans le pèlerinage exprès afin de se distinguer des autres gens. Donc ça, c'est par rapport à son pèlerinage. Et ça a été rapporté que le pèlerinage a été prescrit avant l'émigration du prophète alayhi sallam, et l'imam Ibn Kathir il dit que ça c'est un avis étrange. Ça c'est un avis étrange. Par contre, l'umra, ce qu'ils appellent le petit pèlerinage, l'umra, Nabi alayhi sallam, il a fait 4 umar. Il a fait 4 fois l'umra. Et la première et toutes les umar du prophète alayhi sallam, elles ont eu lieu dans le mois de Dhul-Qa'da. Excepté la dernière qui était avec son pèlerinage, c'était dans le mois de Dhul-Hijja. Mais sinon, les 3 autres, c'était toujours dans le mois de Dhul-Qa'da. La première, c'était l'Umra de l'Hudaybiyah. Là où il a fait le pacte. Et il a fait ce pacte de trêve avec Quraysh, et ils l'ont empêché de faire l'Umra cette année, mais pour dans un avis, cette Umra a été comptabilisée comme une Umra, car le Nabi Isa salam a été empêché, et il s'est désacralisé, et ça a été compté pour une Umra pour lui. Et ils lui ont dit que tu peux venir faire l'Umra l'année suivante, dans le même mois. Donc là, il était dans le mois de Dhul-Qa'da. L'année prochaine, il est venu dans le mois de Dhul-Qa'da également, et il a pu faire l'Umra, la deuxième Umra, qui s'est fait appeler Umrat al-Qada, le rattrapage, ou l'Umra de l'Qadiyya, parce que c'était l'Umra selon l'accord qu'il y a eu entre lui et Kuffar Quraysh. La troisième Umra qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, c'est sa Umra après l'arrêt du siège de Taif. Il est parti vers le Jirana, d'où il a partagé le butin de Hunayn, de la bataille de Hunayn, et ensuite il a fait une umra de cet endroit. C'était sa troisième umra. Et la quatrième et la dernière qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, c'était l'umra dans le cadre du pèlerinage, car le Nabi alayhi salam, comme on a vu, il a fait le pèlerinage de l'Qiran. Il met les 2 intentions, l'intention de l'umra et l'intention de l'Hajj, mais les actes seront identiques à celui qui fait uniquement l'Hajj. La seule différence, c'est que c'est l'intention également au niveau du sacrifice. L'Hadi, il est dans l'obligation de sacrifier une bête. Et ensuite, l'imam Ibn Kathir, il dit que ce qui est authentique, c'est que le Nabi alayhi salam a fait le Hajj avant l'émigration. Mais ça, c'était avant qu'il devienne obligatoire. Qu'il l'a fait non seulement une fois, mais il l'a fait beaucoup de fois. Et ça, c'est ce qui est apparent des textes rapportés dans lesquels le Nabi alayhi salam il sortait pour faire la da'wa aux gens pendant la saison du pèlerinage. Et il était avec eux à Mina et tout ça, donc il faisait également le pèlerinage, alayhi salatu wassalam. Mais tous ces pèlerinages avant l'Hijra, c'était des pèlerinages qui n'étaient pas encore obligatoires. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé des différentes batailles et expéditions qu'a mené le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a abordé la divergence des hommes de science au sujet de ces batailles, alayhi salatu wassalam. Le premier hadith qui est rapporté du hadith de Abdullah ibn Buraïda ibn al-Husayb al-Aslami, selon son père Buraïda ibn al-Husayb, radiyallahu anhu, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a mené, ou il est sorti, dans 19 batailles. Et il a combattu dans 8 parmi elles. Et il a dit, qu'il a combattu dans 8 batailles. Donc là, Buraïda ibn al-Husayb, radiyallahu anhu, il nous rapporte, et bien évidemment, ça c'est pas une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a vécu lui-même. Donc il parle de ce qu'il a vécu. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait 19 batailles et qu'il a combattu dans 8. Et ça, c'est dans l'authentique de l'imam muslim. Ensuite, il a rapporté un hadith dans les deux authentiques selon Zayd ibn Arqam. Il a dit que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fait 19 batailles. Et il a dit qu'il était avec lui dans 17. Il a participé avec lui dans 17. Par contre, Muhammad ibn Ishaq, l'imam de la Sira, il dit que les batailles qu'a mené le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui-même étaient au nombre de 27. Et que les expéditions qu'il a envoyées et dans lesquelles il n'est pas sorti étaient du nombre de 38. Ibn Hisham, celui qui nous a rapporté la biographie de l'imam Ibn Ishaq, et qui a rajouté des choses, et qui a retiré des choses, il a un effort personnel dans la Sira, et c'est ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans le premier cours. C'est la Sira d'Ibn Hisham, qu'il a pris d'Ibn Ishaq, mais il ne l'a pas pris directement, avec un intermédiaire, un parmi les élèves d'Ibn Ishaq. Donc Ibn Ishaq, il nous dit que le nombre était de 27. Et de toute façon, tous ces avis qui sont rapportés authentiquement sont tous justes. Mais la différence est due à la manière de compter les batailles. Par exemple, comme on a vu, je vais vous parler de la dernière bataille qu'on a vue, c'est la bataille de Hunayn. Directement après cette bataille, il y a eu la bataille de Awtas. Ceux qui ont fui vers Awtas. Et directement, il y a eu le siège de Taif. Donc il y a, pour certains, ils vont compter ça comme une seule bataille, 3 batailles. Donc la différence dans le nombre cité est liée principalement à cette cause. Et que chacun y cite le nombre selon sa manière de compter les batailles. Mais en tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a combattu dans 9 batailles. Et celui qui dit 8, il fait que de Hunayn et de Taif une seule bataille. Les batailles dans lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam a combattu sont d'abord la bataille de Badr, ensuite Uhud, ensuite Al-Khandaq, ensuite Bani Qurayda, ensuite Al-Mustaliq, Khaybar, la conquête de Mecca, Hunayn et Taif. Et on a vu que la dernière bataille Tabouk, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Donc ça, c'est par rapport aux batailles de notre prophète, alayhi salatu wa salam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé de A'lam al-Nubuwa, ce que d'autres savants appellent également Dala'il al-Nubuwa. Et ils appellent également ça Ayat al-Nubuwa. Ça indique le même sens. Et les salafs n'appelaient pas ça le mu'jizat. Ils n'utilisaient pas ce terme. Ce terme est venu principalement de l'mutakallimin. Ceux qui ont été influencés par la philosophie grecque. Al-mutakallimin. Mais sinon, salaf, il disait a'lam al-nubuwa. Les signes de la prophétie. Dala'il al-nubuwa. Les preuves de la prophétie. Et ayat nubuwa, c'est comme a'lam nubuwa. C'est les signes et les preuves de la véracité de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le terme miracle, ce n'était pas utilisé par salaf. Et ça a été utilisé par des gens, des hommes de science, qui ont été influencés par la philosophie grecque. Donc on dit miracle ou prodige, c'est la même chose. Il y en a qui utilisent les prodiges, je parle de la langue française. En arabe, on dit karamat. Il y en a qui utilisent prodige pour désigner ce qui a été miraculeux pour quelqu'un qui n'est pas prophète. pour un homme pieux. Mais le karamat, ça peut être, ça peut venir d'Allah et ça peut venir de Shaitan également. C'est pour ça qu'il faut être très très méfiant. C'est pas toute personne qui marche sur la mer ou qui vole dans les airs, c'est un allié d'Allah. Ça peut être un allié de Shaitan qui le porte et qui le fait voler et qui l'aide à marcher sur l'eau, comme on voit ça même chez des mécréants. Donc, chez les hommes en dehors des prophètes, ce qui va nous permettre de déterminer est-ce que ça c'est un signe de son alliance avec Allah Azzawajal ou son alliance avec Shaitan, c'est en regardant ses actes et les exposer au livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam. Si c'est en accord, c'est un bon signe. Si il ne suit pas sunna, il tombe dans les péchés et transgresse les limites d'Allah Azzawajal, on saura que ce sont des signes de Shaitan, que c'est un allié de Shaitan. Je vous cite un exemple. Certains, ils disent, quand ils prient à l'opposé de la Qibla. Et quand ils leur ont demandé pourquoi tu fais ça et tu pries pas en direction de la Qibla, il a dit parce que la Qibla, elle a été déplacée actuellement chez un des alliés d'Allah, soi-disant, dans un pays, et pour qu'il fasse le tawaf autour, parce que cet allié, soi-disant allié, il va pas jusqu'à Mecca pour faire tawaf, mais c'est le Kaaba qui vient vers lui, tellement il est proche d'Allah, tellement il est proche en réalité de Shaitan. Et quand le Qibla se déplace de cette manière, cet homme, il s'oriente vers l'autre direction où elle est allée. Ça peut vous sembler inimaginable, mais sachez qu'il y a des gens qui croient en des choses comme ça. Et remerciez Allah si ça vous semble inimaginable et manquer gravement de bon sens et de bon raisonnement. Remerciez Allah pour la ni'ma de la raison dont il vous a comblé. Mais il y a des gens qui grandissent dans ces égarements et finissent par voir ça normal. Alhamdulillah qui nous a préservés. Donc l'imam Ibn Kathir, il va parler, je disais, des signes et des preuves de la prophétie. Il a dit qu'il va en parler d'une manière globale, car détailler ça, ça nécessite des ouvrages et des ouvrages. Parler d'une manière détaillée des signes de la prophétie ça demande beaucoup d'ouvrages. Et j'avais abordé quand j'ai parlé dans le premier cours, quand on a parlé de Dala il Nubuwa, qu'il y a des savants qui ont fait des livres de plusieurs volumes dans lesquels ils n'ont parlé que des preuves de la prophétie, des signes de la prophétie. Et ils ont cité entre parenthèses les miracles qui se sont produits pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les livres que j'avais cités, Dala il Nubuwa de Abi Nu'aym, qui est décédé en l'an 430 de l'Hégire. Et Dala il Nubuwa également de Al-Bayhaqi, qui est décédé en l'an 458 de l'Hégire. Et Dala il Nubuwa également de l'Asbahani, Abu al-Qasim al-Asbahani, lui décédé en l'an 535 de l'Hégire. Il y a d'autres livres qui traitent de ça, mais ça c'est les trois les plus importants et aussi les plus anciens. Et vous avez vu que les trois livres, ils s'appellent pareil, Dala'il al-Nubuwa. Il y a des livres qui s'appellent A'lam al-Nubuwa. Mais Salaf n'utilisait pas al-Mu'jizat, comme je disais. Donc il va aborder ce sujet d'une manière très globale, il va pas rentrer dans les détails, car ça nécessite de faire des livres et des livres. Et il a dit qu'il y a beaucoup d'imams qui ont fait des livres dans lesquels ils ont cité plus de 1000 miracles qui s'est produit pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et sans aucun doute, le plus grand signe de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et la plus grande preuve de sa prophétie, c'est Al-Qur'an Al-Aziz, le noble Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, avec laquelle il a parlé réellement comme il convient à sa majesté, sa grandeur subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jal a décrit en disant لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. L'erreur ne saurait lui parvenir de quel côté que ce soit, car c'est une révélation du sage, digne de toute louange, subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit Allah Azza wa Jal en décrivant le Coran dans un autre verset, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ici, ça provenait d'autres qu'Allah, ils auraient trouvé dedans beaucoup de divergences. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Avant, Allah Azza wa Jalla dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Que ne médite-t-il donc le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, il l'aurait trouvé truffé de contradictions, rempli de contradictions. Donc ça, c'est le Coran, c'est le plus grand signe de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, chaque prophète avant lui, Allah lui donnait des signes pour montrer sa véracité et la véracité de son prophète. Et les signes qu'Allah Azza wa Jalla avait donnés aux prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était des signes et des preuves matérielles. Il a fait descendre une table remplie de nourriture du ciel pour Isa alayhi salam. Il lui a permis de guérir le lépreux et d'informer de ce que les gens stockent dans leur maison. Et il lui a permis de redonner vie à une personne qui est morte avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a permis à Moussa alayhi salam, il a permis à Daoud alayhi salam, tous il leur a donné des preuves et des signes matériels jusqu'à notre prophète alayhi salam, où il y a donné également une grande partie de ces signes matériels. L'eau qui sort entre ses deux doigts et beaucoup qu'on va voir maintenant, bidnillah, mais il lui a donné une preuve qui restera jusqu'à la fin des temps. Car toutes les preuves matérielles, elles ont un délai. Nous, on croit en leur véracité parce qu'on est des croyants, mais il y a des gens, ils peuvent dire, moi, j'ai pas vu ça. Un mécréant. Mais le Coran, c'est un signe qui restera jusqu'à la fin des temps pour tout le monde. Il suffit d'apprendre l'arabe pour voir la force du Coran, que ce soit son aspect prodigieux au niveau des termes, mais également au niveau de ses sens. Et par rapport à ces termes, il a atteint le plus haut niveau de l'éloquence. Le Coran, c'est la parole la plus éloquente qui existe, car c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le mérite de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la parole de la créature, c'est comme le mérite du créateur par rapport à la créature. فضل كلام الخالق على المخلوق كفضل الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى. Donc le Coran, il a atteint le plus haut niveau, le plus élevé niveau dans l'éloquence. Et plus tu le lis, et plus ta science dans la tes connaissances dans la langue arabe augmentent, plus tu vas voir la grandeur de le Coran et l'immensité de ses sens et de ses termes et son excellence avec lequel Allah Azza wa Jalla a défié tous les orateurs et tous les hommes éloquents. À l'époque du prophète alayhi salam, les gens, ils excellaient dans l'éloquence et dans la poésie. Et malgré ça, quand ils ont entendu le Coran, ils ont su que ça ne provient pas d'une créature. Et malgré la grande haine qu'ils avaient pour le prophète Isa alayhi salam et leur grande maîtrise de la langue arabe et des poèmes et de l'éloquence, c'était les maîtres de l'éloquence. Malgré tout ça, malgré la grande haine qu'ils avaient pour le Nabi Isa alayhi salam et malgré qu'ils étaient très très attachés à le démentir et à montrer que c'est un menteur et que le Coran ne vient pas d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal les a défiés de ramener un livre comme le Coran, et ils n'ont pas pu. Et il leur a lancé un autre défi, il leur a dit de ramener 10 sourates comme le Coran, uniquement. Et vous savez que dans le Coran, il y a des sourates de 3 versets. Yani, ramener 10 sourates comme ça, c'est 30 versets, ils n'ont pas pu. Et il les a défiés de ramener une sourate comme le Coran, ils n'ont pas pu. Ils étaient incapables de le faire, impuissants. Et c'est pas qu'ils n'ont pas essayé, ils ont essayé. Mais ils ont su que c'était quelque chose impossible. Parce que c'était des Arabes éloquents, des purs Arabes. Ils ont su que c'était pas possible. Parce que cette parole, ils reconnaissaient au fond d'eux que c'est pas la parole d'un homme. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et comme on a vu, l'orgueil et l'attachement aux ancêtres les empêchaient de suivre la vérité, malgré qu'au fond d'eux, ils savaient que c'était la vérité. Ils ont un homme qui vous dit, ça c'est la parole d'Allah. Et ils l'ont connu pendant plus de 40 ans. Ils n'ont jamais trouvé sur lui un seul mensonge. Et il vient, après avoir atteint l'âge où l'homme il devient le plus mûr possible, 40 ans, et il ment, pas d'une créature, il ment du Créateur. C'est pour ça, ceux qui n'avaient pas de hawa, ils l'ont suivi tout de suite, comme Abu Bakr Siddiq. Nabi Isa alayhi salam, il a dit, je n'ai jamais exposé l'islam et invité quelqu'un à l'islam sans qu'il me pose au moins une question. Oui, ça, comment ça, une chose comme ça. Il a dit, excepté Abu Bakr. Il a cru immédiatement. Radiallahu anhu wa arda. C'est pour ça qu'il a été appelé Siddiq. Pour ça et pour d'autres points et d'autres événements. Et on a vu tous ces événements-là. Alhamdulillah. Et Allah Azza wa Jal a mis en défi les hommes comme les djinns. Tous ensemble, même s'ils s'entraident entre eux, pour ramener une sourate comme le Coran, ils ne seraient pas capables, subhanallah. Une seule sourate. Et je pense que je vous avais parlé de Musaylim al-Kadhab, ce grand imposteur, ce grand menteur qui a prétendu être prophète. Et sa tribu savait que c'était un menteur, que c'était pas un prophète. Mais pourtant, ils l'ont suivi à cause yani de l'attachement à la tribu et les choses comme ça. Ils l'ont suivi que pour ces raisons-là, alors qu'au fond d'eux, ils savaient que c'était un menteur. Et cet homme, il essayait d'imiter les sourates du Coran que le prophète alayhi sallam enseignait à ses compagnons. Il a essayé d'imiter sourate Al-Fil. Il a sorti des choses yani. Quand tu lis ce qu'il a dit, ça vous pouvez le trouver dans Tafsir Ibn Kathir, dans son explication de Sourate Al-Fil, il a cité ce que Musaylim al-Kadhab a dit. Il dit Al-Fil wa ma al-Fil, khurtumuhu tawil, il a une langue trempe, et des choses yani, qui font rire les enfants. Les enfants, quand ils entendent ça, quand je raconte ça à mes enfants, ils rigolent. Et pourtant, ils l'ont suivi, et comme beaucoup d'entre eux disaient, on savait que c'était un menteur. Mais le menteur de Banu Hanifa, qui est Musaylim al-Kadhab, Banu Hanifa, c'est leur tribu. Ils disaient, le menteur de Banu Hanifa est préférable pour nous que le véridique de Quraysh. Donc c'est yani, le fanatisme tribal et Hada qui a empêcher beaucoup de gens de suivre la vérité. surtout au début. Mais après, une fois que la vérité était, a éclaté et que le haq a dominé et que le batil, le faux, a été vaincu, on a vu que la plupart d'entre eux ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla dit, combien même les hommes et les djinns s'unuraient pour produire quelque chose de semblable au Coran, il ne produirait rien qui lui soit semblable, fussent-ils en cela très solidaires les uns des autres. Comme bien même ils s'entraident tous, tous les djinns, tous les humains, ils ne pourront ramener comme le livre d'Allah Azza wa Jal, et ils ne pourront même pas ramener une seule sourate du Coran, 3 versets. Par contre, l'essence du Coran, c'est dans leur cohérence, le sens des versets du Coran, dans leur cohérence et dans leur sagesse et dans la miséricorde qu'ils contiennent et tous les intérêts auxquels ils appellent et la bonne fin et tout ça dans une harmonie, dans une parfaite harmonie qui permet d'avoir les plus hauts et les plus nobles des objectifs et qui permet d'écarter tous les méfaits et ainsi de suite. Tout ça, tous ces sens-là contenus dans le Coran qui permettent ce que l'imam Ibn Kathir a cité ici et d'autres choses bien évidemment. Et d'autres choses, tout ça, ça démontre que c'est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça apparaît pour toute personne ayant sa raison et qui n'est pas remplie de passion et d'ambiguïté. Qu'Allah nous en préserve et nous lui demandons la guider, il dit rahimahullah. Donc toute personne qui est objective et qui étudie le Coran en voulant la vérité, elle ne peut que finir et que arriver à la conclusion que c'est la parole d'Allah et que c'est sa révélation. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de kuffars, des intellectuels qui ont appris l'arabe pour sortir les erreurs du Coran et ils ont fini par entrer dans l'islam, alhamdoulilah. Allah Azza wa Jalla les a guidés. Excepté ceux, bien évidemment, qui rentrent avec des mauvaises intentions et qui ne cherchent pas la vérité. Ceux-là, comme les savants disent, plus ils apprennent de preuves claires et évidentes sur la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et la véracité du message de l'islam, plus ils vont devenir des grands ennemis de l'islam. Plus ils voient de preuves, plus ils se cramponnent à leur position égarée et plus ils s'attachent à leur égarement. Donc ça demande d'aller vers le Coran avec une bonne intention et d'aller vers le Coran en voulant la vérité. Et si jamais elle est dans le Coran, tu te dis que tu vas la suivre. Et avec une intention comme ça, Allah Azza wa Jalla, il te permettra de voir la vérité. Et parmi les autres signes et preuves de la prophétie qui ont été accordées à notre prophète, alayhi salatu wa salam, c'est qu'il a grandi dans un peuple qui le connaisse et qui connaisse la noblesse de son origine et qui connaisse ses fréquentations. Et il a grandi parmi eux en étant orphelin. Et il était décrit par eux tous comme étant le véridique, le digne de confiance. Et c'était un homme très pieux et qui avait toute la raison, qui avait toute sa raison, un homme très pieux et qui avait d'excellents choix. Et on a vu quand il voulait poser le Hajar al-Aswad et que c'était lui le premier, ils étaient tous contents que ce soit lui. Ils étaient tous d'accord sur la solution qu'il leur a donnée, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est avant l'islam. Il devait avoir 35 ans, alayhi salatu wassalam, à peu près. Donc tout ça a permis aux hommes de sa tribu, de son peuple, qui voulaient la vérité, ça leur a suffi, rien que ces éléments, de savoir que c'est un homme véridique. Et ils ont suivi le haq, excepté ceux qui ont été remplis d'orgueil et de passion. Ceux-là, ces choses les ont empêchés de suivre la vérité, malgré qu'au fond d'eux, ils reconnaissaient que c'était la vérité. Également, c'était un homme analphabète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, il ne savait ni lire, ni écrire, alayhi salatu wassalam. Et dans la tribu dans laquelle il a grandi, les gens ne connaissaient pas l'écriture et la lecture, la plupart des gens. Et ceux qui savaient lire et écrire, c'était une petite poignée, une faible minorité. Ils étaient connus par cela. Parmi eux, il y avait Waraq ibn Nawfal. Il y avait Al-Walid ibn al-Mughira. Il y avait quelques hommes comme ça qui savaient lire et écrire. Mais sinon, la grosse majorité, ils ne savaient pas ça. Ils ne s'adonnaient pas à ces choses-là. Et Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, en plus, il ne fréquentait personne de ceux qui savaient lire et écrire. Il ne fréquentait personne de ces hommes-là qui avaient la science de la lecture et de l'écriture. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'âge de 40 ans, et il a commencé à les informer des événements qui se sont passés il y a des siècles et des siècles. Et les livres, les révélations précédentes, toutes témoignaient de la véracité des choses desquelles il parlait. Et les gens du livre, ils savaient que ce qu'il disait était conforme à ce que Allah avait révélé dans leur livre avant la falsification. Et en plus, les récits comme ça, c'était pas ça les choses les plus falsifiées dans leur livre. Ils falsifiaient plus souvent les versets dans lesquels il y a les jugements. Et ils changeaient ce qui est halal en haram et ce qui est haram en halal. Mais les histoires et les contes, il n'y avait pas grand intérêt à les falsifier. C'est pour ça qu'ils savaient, même eux, que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait de peuple d'il y a beaucoup de siècles, c'était la vérité. Et c'est pour ça que les hommes sincères parmi les gens du livre l'ont suivi, tels que Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, et d'autres, Ka'b al-Ahbar, radiyallahu anhu, et d'autres, parmi les savants, des gens du livre. Et ensuite, l'imam Ibn Kathir, il dit que même les livres d'avant, ils étaient tous touchés par la falsification. Ils étaient tous touchés par la falsification. Et malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'informait que de ce qui était vrai et qui n'a pas été touché par la falsification. Donc c'était un signe pour eux suffisant pour savoir que c'est un vrai prophète. C'est pour ça ceux pour lesquels Allah a voulu du bien parmi eux, ils l'ont suivi à leur tête, Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Et avec tout ce qui a précédé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était connu par sa véracité et par sa confiance. Et tout le monde connaissait son comportement et connaissait son adoration. Comme on a vu, il s'écartait des gens pendant le mois de Ramadan. Il allait dans la grotte de Hira dans laquelle il adorait Allah Azza wa Jal. Il s'éloignait des gens. Et tous, ils savaient de lui qu'il n'a jamais adoré les idoles, qui n'a jamais adoré les idoles et qui n'a jamais bu l'alcool, et Allah l'a préservé avant l'islam de toutes mauvaises choses qui étaient pratiquées avant l'islam. Allah l'a préservé de tout mal depuis sa naissance. Allah a veillé sur lui, comme on l'a vu, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme prophète, ensuite messager, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé avant l'islam, yani avant de recevoir la révélation. C'est ça ce que je veux dire. L'a préservé avant de recevoir la révélation. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il était toujours sur l'islam, yani dans son sens général. Il était sur le monothéisme pur, toujours, alayhi salatu wassalam. Mais l'islam, le dernier des messages, celui-là, c'est quand Allah l'a choisi pour transmettre le dernier de ses messages. Car l'islam, il a deux sens. Un sens général, c'est la religion qui a été révélée à tous les prophètes et messagers. Et un sens particulier, qui représente le dernier des messages qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc rien qu'avec la raison, on peut arriver avec tous ces éléments, on peut arriver à prouver la véracité du prophète alayhi sallam et qu'il est l'homme le plus loin de tout mensonge sallallahu alayhi sallam. Donc Quraysh, il savait tout ça de lui. Il savait son adoration, il savait son comportement, il savait sa dévotion et comment il participait dans le bien et dans l'entraide. Il savait son délaissement de dunya. Et il savait la noblesse de son comportement et qu'il avait les meilleures des règles de bienséance et des règles de politesse, alayhi salatu wassalam. C'est un homme très pudique, très pieux, qui entretenait ses liens de famille. C'est un homme extrêmement courageux et brave, alayhi salatu wassalam. Un homme extrêmement généreux, sallallahu alayhi wasallam. Ainsi que d'autres comportements que les gens n'ont jamais vus réunis en un seul homme avant lui, alayhi salatu wassalam. Donc tout ça montre, rien qu'avec la raison saine, permet d'arriver à la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wasallam, et que c'est bien le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Comment on peut dire de quelqu'un comme lui, il a menti d'Allah, alors qu'il n'a jamais menti d'une créature? Mentir d'Allah Azza wa Jal, ça ne peut arriver que de la pire des créatures, les pires des gens. C'est pour ça, si vous regardez un peu dans les biographies de ceux qui ont prétendu être des prophètes, vous trouvez des choses yani horribles dans leur biographie, dans leur vie. C'est les pires des gens, c'est ceux qui mentent d'Allah Azza wa Jal. Et pire encore, ils prétendent qu'Allah les a envoyés comme prophètes alors qu'il les a pas envoyés. Donc comment on peut attribuer ça à un homme qui jouissait de tout ce qui a été cité et bien d'autres qualités? Et l'imam Ibn Kathir va citer son bon comportement, parler du bon comportement du prophète, et de son éthique et de sa moralité dans un an plus tard, dans un point qui arrivera plus tard, bi'idhnillahi ta'ala. Et ces choses-là sont perceptibles même par les enfants. Les enfants, ils arrivent à ces déductions avec tous ces éléments qui ont été cités. Que dire de quelqu'un qui jouit d'un bon sens et d'un bon raisonnement? Et quand tu vois ses compagnons, comment ils ont tout donné, leurs biens, ils ont délaissé leur famille, ils ont quitté leur tribu, et les tribus dans lesquelles ils ont grandi, par amour et par obéissance à ce messager, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée tous, qu'Allah les agrée tous. Et également parmi les signes de la prophétie et de la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il va passer l'imam al-Kathir à ce qui est rapporté dans les textes, à commencer par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de son prophète alayhi wa sallam, tous les textes dans lesquels Nabi alayhi wa sallam a informé d'événements à se produire dans l'avenir. Il a parlé de choses qui allaient se produire dans l'avenir et qui se sont produites exactement comme il l'a dit. Et ça continue jusqu'à nos jours, ces choses-là. Et ça, c'est très très nombreux dans les textes, comme il dit, rahimallah. Également, parmi les signes de sa prophétie, c'est ce que Allah Azza wa Jal a permis. C'est parmi tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a permis pour prouver la véracité de sa prophétie, alayhi salatu wassalam, parmi les prodiges et les miracles qu'ont vu de lui ses compagnons, radiallahu anhum. Et parmi ces prodiges, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, dans Surat al-Qamar. Donc parmi ces prodiges, ce qu'Allah Azza wa Jal a cité dans Sourate Al-Qamar, il a dit « Iqtarabati sa'atu wa nshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir » dans le sens approximatif. L'heure approche et la lune s'est fendue. Voit-il un signe? Ils s'en détournent en disant, c'est une magie appelée à disparaître. Ou là, c'est une magie puissante. Quand ils ont vu la lune qui s'est fendue devant eux, certains parmi Kuffar Quraysh ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam de leur montrer un signe de la véracité de sa prophétie. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a invoqué Allah et il regardait la lune. Au moment où il regardait, la lune s'est fendue en deux. Bien, deux parties bien distinctes. Et ils ont vu ça avec leurs propres yeux. Et le kuffar, ils ont dit, ça c'est une magie. C'est une puissante magie. Pour que nous tous en regardent et ça se fait comme ça devant nous. Ils ont dit par contre, comment savoir si c'est une magie ou pas? On va demander aux autres tribus qui n'étaient pas présents. Parce que la magie, elle a effet sur les gens qui sont présents. Ils savaient ça. Et effectivement, ils se sont renseignés et d'autres tribus les ont informés qu'ils ont vu le même phénomène. Ça veut dire que c'était une réalité et non pas une magie. Parce que la magie, c'est au niveau des yeux. C'est au niveau des yeux. C'est ce que tu regardes. Mais là, c'était réel. Et ils ont vu ça de leurs propres yeux, et certains, malgré ça, n'ont pas cru. Et c'était dans une nuit que ce phénomène s'est produit. La lune s'est fendue en deux parties. Et ils les voyaient complètement séparées l'une de l'autre. Une distance entre les deux. Et ils ont demandé aux autres tribus, s'ils avaient vu la même chose, ils les ont informés qu'ils ont vu la même chose. Et ça, c'est rapporté d'une façon mutawatira, il dit l'imam Ibn Kathir. C'est-à-dire, c'est rapporté d'un grand nombre de gens, sur un grand nombre de gens, jusqu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ça atteint le degré de tawatur. Et les récits qui sont rapportés de cette manière, ils sont forcément authentiques. Et on ne cherche même pas à étudier leur chaîne de transmission. Le mutawatir, c'est une catégorie de hadith qui sont authentiques sans regarder la chaîne de transmission. Du moment que c'est prouvé que c'est un hadith mutawatir, tu sais qu'il est authentique. Également parmi ces signes qu'Allah Azzawajal a permis au prophète Aïssa Salam pour prouver la véracité de sa prophétie, c'est toute la baraka et la bénédiction qui a été observée à plusieurs endroits, et on en a vu plusieurs dans les différentes batailles où c'est une petite quantité de nourriture et ils vont manger de cette quantité toute une armée de 5000, de 3000, de 10000. 200 invités, ils vont manger ce que mange une personne, et ainsi de suite. L'eau également, c'est arrivé plusieurs fois avec des sources d'eau. Où Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a fait dua, et avec la bénédiction de son invocation, Allah Azzawajal a donné une abondance de biens. Et le bien a été abondant. Alayhi Sallatu Wasallam. Et si on veut parler de ce point, rien que ce point, les différents endroits dans lesquels la baraka du prophète alayhi sallam a été observée, l'imam Ibn Kathir dit, faut plusieurs livres pour ça. Rien que pour ce point, à lui seul. Et il a mentionné le livre de Al-Hafidh Al-Bayhaqi, rahimahullah. Il a fait un livre dans lequel il a réuni une grande majorité de ces choses-là. Et il a profité de ceux qui l'ont précédé, et il a rajouté d'autres choses qu'ils n'avaient pas citées, eux. Donc, c'est plus complet. Le livre de Al-Bayhaqi, rahimahullah, il dit qu'il est plus complet, c'est celui qu'on a vu, Dala il Nubuwa. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui sur cette quantité qu'Allah Azzawajal nous a permis de lire de ce livre, et on poursuivra le cours prochain que j'annoncerai dès que c'est possible, je l'annoncerai bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.